Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 89. De la connaissance de l'âme séparée du corps. Ce que l'âme connaît après la mort, conserve-t-elle la science acquise ici-bas? Les morts ont-ils souci de nous? 1. L'âme séparée du corps peut-elle connaître quelque chose? À la première inspection, on s'explique difficilement que l'âme humaine, qui, pendant son union avec le corps, ne saurait rien comprendre sans le secours des images sensibles, puisse cependant, après sa séparation, comprendre quelque chose lorsqu'elle n'a plus d'image corporelle à sa disposition. La difficulté disparaît devant ce principe, que le mode d'opération dans les êtres suit toujours leur mode d'existence. L'âme, séparée du corps, a un mode d'existence différent de celui qu'elle a pendant son union avec lui. Elle connaît, dans l'autre vie, en s'appliquant aux choses purement intelligibles, comme les esprits célestes, car, immédiatement après sa séparation, elle se tourne vers le monde supérieur. 2. L'âme séparée du corps connaît-elle les autres substances spirituelles? Le riche vit Lazare dans le sein d'Abraham, Luc 16. L'âme séparée du corps peut donc connaître les autres âmes, et, par la même raison, les démons et les anges, avec cette différence qu'elle a une connaissance parfaite des autres âmes séparées et une connaissance seulement imparfaite des anges bons ou mauvais. Une fois séparée de son corps, l'âme ne connaît plus, comme ici-bas, en s'appliquant aux images, elle se tourne vers les choses purement intelligibles pour se connaître par elle-même. Elle connaît ensuite les autres âmes par comparaison avec elle. Elle connaît les anges par des espèces qui lui viennent de la lumière divine, mais, comme sa nature est toujours inférieure à la nature angélique, elle n'a qu'une représentation imparfaite de ses purs esprits. Nous ne parlons toutefois que de la connaissance naturelle, celle de la gloire n'est pas assujettie à la même loi. 3. L'âme séparée du corps connaît-elle toutes les choses de la nature? Ne croyons pas que l'âme séparée du corps connaisse toutes les choses naturelles d'une connaissance parfaite, comme les anges, elle ne les connaît que d'une manière générale et confuse. Note. Nous parlons encore ici de la connaissance naturelle. La révélation divine peut assurément venir à son secours. Fin de la note. 4. L'âme séparée du corps connaît-elle certains faits en particulier? Le mauvais riche dans l'enfer disait, « J'ai 5 frères », Luc 16, 28. Les âmes séparées connaissent donc des faits particuliers. Toutefois, elles connaissent spécialement les choses et les personnes avec lesquelles une connaissance, antérieure, une affection plus grande, une habitude naturelle ou une volonté spéciale de Dieu les met en rapport. Note. Il n'y a pas de raison pour qu'elles connaissent également tous les êtres en particulier, elles peuvent avoir pour quelques-uns une habitude spéciale qu'elles n'ont pas pour les autres. Fin de la note. 5. La science acquise ici-bas reste-t-elle, comme habitude, dans l'âme séparée? Saint Jérôme, dans une lettre à Paulin, disait « Apprenons sur la terre les vérités dont la connaissance nous accompagnera dans l'autre vie. » Si, avec certains philosophes, nous admettions que la science, comme habitude, est dans les facultés sensitives de l'âme, et nullement dans l'intelligence, nous devrions convenir que les sciences acquises sur la terre ne survivent pas à la destruction du corps. Mais comme il est incontestable que l'habitude de la science existe dans l'intelligence passive, qui, selon l'expression d'Aristote, est le lieu des espèces intelligibles, Nous devons dire que la science ne subsiste pas dans l'âme séparée quant à la partie qui appartient aux facultés inférieures, mais qu'elle y persiste néanmoins pour la partie qui réside dans l'intelligence. 6. L'acte de la science acquise ici-bas reste-t-il dans l'âme séparée ? Abraham répondit au mauvais riche, « Souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. » Luc 16, 25. On voit par ces paroles que l'âme séparée peut encore faire usage de la science acquise ici-bas. Et, en effet, grâce aux espèces intelligibles qu'elle a conservées, elle peut comprendre ce qu'elle comprenait jadis. Son état a changé, sans doute, aussi comprend-elle, non plus par le moyen des images sensibles, mais d'une manière conforme à sa nouvelle vie. La mémoire qui lui reste est la mémoire intellective, dont l'intelligence est le siège. Mais, cependant, l'acte de la science acquise ici-bas demeure en elle, bien que ce soit suivant un mode différent. 7. La distance des lieux est-elle un obstacle à la connaissance de l'âme séparée ? Le mauvais riche levant les yeux, dit l'Évangile, vit de loin Abraham. Luc 16, 23. De ces paroles on peut conclure que la distance des lieux n'est pas un obstacle à la connaissance des âmes séparées, puisqu'elles connaissent les êtres en particulier par les espèces que la lumière divine leur communique, qu'importe, en effet, que ces êtres soient éloignés ou proches, la lumière divine les atteint également. 8. Les âmes des morts savent-elles ce qui se passe ici-bas ? Question difficile à résoudre, car si, d'un côté, il est dit dans Job 14, 21, l'homme ne saura pas si ses enfants sont dans la gloire ou dans l'ignominie, de l'autre, on voit par la parabole du mauvais riche que les âmes des morts portent intérêt à notre situation. « J'ai 5 frères, dit-il, faites que Lazare aille les avertir. » Luc 16, 28. Voici, à cet égard, ce qui nous paraît certain. Les âmes des morts ne savent pas d'une connaissance naturelle, la seule dont il soit ici question, ce qui se passe ici-bas, car, par l'ordre de Dieu et le mode de leur existence, elles sont séparées des vivants et réunies aux substances spirituelles. Toutefois, il est permis d'excepter les âmes saintes, admises à la béatitude, c'est l'opinion de Saint Grégoire. Il est vraisemblable, en effet, que les âmes des saints qui voient Dieu, connaissent les choses d'ici-bas, elles qui sont égales aux anges. Mais, parfaitement unies à la justice divine, elles ne s'attristent point de nos malheurs, et n'interviennent dans nos affaires que selon les desseins de Dieu. Note. Il n'est pas impossible que les âmes des morts s'intéressent à nous sans connaître notre état, comme nous nous intéressons à elles en leur appliquant nos suffrages, tout en ignorant quel est leur sort. Il se peut encore qu'elles apprennent, soit de celles qui arrivent de la terre, soit des anges ou des démons, ou bien encore par une révélation de l'Esprit de Dieu, ce qu'elles ne savent pas naturellement. Quand les morts apparaissent aux vivants d'une manière quelconque, ou bien ces apparitions se font par une permission spéciale de Dieu, et alors il y a miracle, ou bien elles sont produites par les anges bons ou mauvais, même à l'insu des morts, comme il arrive parfois que des personnes vivantes se montrent en songe, sans le savoir, à d'autres personnes. Pour ce qui est de l'apparition de Samuel à Saül, on peut dire qu'elle eut lieu par une permission divine comme un moyen de révélation, ainsi que le marque cette parole, il s'endormit et fit connaître au roi la fin de sa vie. Ecclésiastique 46, 20. On peut croire aussi qu'elle fut l'œuvre des démons. Fin de la note.